ans, voilà, leur tour il est super faible. Ah, bah voilà. Et on rate le démarrage. Du coup, je veux bien que tu montes un petit peu le retour, s'il te plaît. Parce que nous, on est des gens comme ça, tu vois. La suite de la prog, et ben là, on a l'ami Sylvain qui va venir se placer derrière le petit micro pour venir nous parler des nouvelles nouveautés. Bah oui, parce qu'on va finir l'émission avec quasiment que des nouveautés, et y a un petit peu à dire. Le premier groupe, en fait, c'est Despil. Alors, c'est un groupe qui nous vient d'Ukraine. Qui après est... Despil, on a Despil. Trop puissant. Donc, c'est un trio entièrement féminin qui existe depuis quelques années, qui nous fait un mélange entre du punk hardcore, du thrash et du punk rock. C'est un groupe qui se dit influencé aussi bien par du Black Flag que des formations trash comme Exodus ou Nervosa. Alors clairement, c'est pas le truc le plus révolutionnaire qu'on va diffuser, mais c'est cependant très efficace. Là, le morceau qu'on va écouter, il y a un petit passage en chant clair qui, on va dire, dénote un petit peu avec le reste, mais sinon, pour ce qui est des riffs, tout ça, ça envoie vraiment très, très, très bien comme il faut. Et après Despil, une autre nouveauté. Alors là, on va commencer à voyager, puisqu'on va aller direction les îles Malouines. Alors les îles Malouines, pour situer un petit peu, on est dans l'océan Atlantique. On est à 400 km des côtes de l'Argentine. Et en fait, c'est tout simplement le premier groupe de ce coin-là qu'on va diffuser, puisque selon Metal Archive, en fait, il y a un seul groupe de métal là-bas, et c'est celui-là. Donc il s'appelle Blood Rust. En fait, c'est un one-man band, hein. C'est carrément... c'est littéralement un type tout seul sur son île. Sachant que voilà, les îles Malouines, c'est 3000 habitants. C'est génial. Il y a un metalhead qui fait du death metal depuis une dizaine d'années. Il a sorti c'est trop cool. Deux albums coup sur coup en 2020-2021 sur le label colombien Masters of Chaos. Un label dont on parle assez régulièrement. Bah, c'est vrai, depuis quelques semaines du coup. Et qui sort là un troisième album sur un label ukrainien. Un petit lien avec Despil, label Archaic Sounds, qui a sorti notamment les albums de 1914. Et en fait, Blood Rust, c'est un death assez guerrier et martial, d'inspiration Bolt Thrower, Hell of Bullets. Donc ça nous permet un petit peu de refaire un lien avec l'annonce du Ripfest, hein, où il y avait Memoriam. Et voilà, donc c'est un projet solo plutôt intéressant, et c'était l'occasion de diffuser... Un groupe d'une contrée lointaine et, on va dire, exotique. Et isolé, effectivement, mais dont les sonorités endiablées nous parviennent, et c'est putain de chouette. Et donc, on va s'écouter tout de suite Kill the Traitors par Despil, et juste après ça, Hades Fire de Blood Rust, donc un groupe qui nous vient des îles Malouines. Et c'est parti! We'll be right back. Hop, et ben on s'approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir. Les deux derniers groupes qu'on va s'écouter, on va se les présenter l'un après l'autre. Il y en a encore un peu après. Il y en a encore un peu après. Oui, c'est parce qu'il me semble le niveau timing. Enfin, bref, les deux prochains, on va se présenter, écouter, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Bah, et on commence avec The Evil. Le meilleur nom de groupe pour ce soir. On reste en Amérique du Sud avec ce groupe de Doom qui nous vient du Brésil, qui est actif depuis 2012, qui avait sorti un premier album en 2017 et qui nous revient en signant chez Osmos Productions. Alors The Evil, ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'au niveau du line-up, on retrouve à la guitare Monsieur Wagner Antichrist, qui était tout simplement le vocaliste-guitariste des mythiques Sarcophago. Alors là, on est vraiment sur, je pense, l'un des noms les plus cultes de la scène sud-américaine. Chez True. Ah bah là, c'est True de chez True. Hein, ultra metal encore. Et du coup, bah, ce monsieur, qu'on pensait pas trop qu'il était encore actif dans la scène, et bien si en fait il est guitariste dans un groupe de Doom occulte, alors il s'occupe pas du micro, c'est une femme qui pour le coup c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de la musique de The Evil, parce qu'elle fait vraiment vivre chaque morceau, sachant qu'on est sur un disque conceptuel autour des 7 péchés capitaux. Donc là il y a vraiment un gros travail vocal et musical, parce que bon, c'est du doom avec des riffs de mammouth, une ambiance à l'occulte vraiment bien pesante, et vocalement on a une chanteuse qui fait vraiment vivre ses lignes vocales. On est sur quelque chose d'assez occulte, cérémonieux, avec des intonations parfois plus opératiques, lyriques. Donc c'est vraiment un groupe très solide. Et c'est pas étonnant qu'on les retrouve finalement signés chez Osmos Productions. Et les morceaux sont un petit peu longs, mais celui qu'on va s'écouter fait 5 minutes, donc ça va encore. On va s'écouter d'ailleurs tout simplement le morceau Pride, donc extrait de l'album Seven Acts to Apocalypse. C'est parti, The Evil. We'll be right back. coup, ça fait une doublette sud-américaine. Et oui, parce qu'après Zaipen. Après le Brésil, du coup, on va au Chili retrouver Xalpen. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 2014 et qui vient de sortir son deuxième album avec une petite biographie assez intéressante, puisque donc musicalement, déjà, on est sur un trio qui nous fait un black assez cru, direct, et en même temps qui se veut ritualiste, chamanique. L'idée, c'est d'avoir une musique qui soit quand même assez mystique et occulte, ce qui correspond à la thématique du groupe, puisque c'est un peu raconter des histoires légendaires de mythologie amérindienne. Et parce qu'en fait, Xalpen, c'est un terme qui désigne la déesse du monde souterrain dans la mythologie Selknam. C'était le nom d'un petit peuple amérindien qui a été exterminé entre la fin du 19e siècle et début du 20e. Et donc je pense qu'à travers sa musique, Xalpen essaie un petit peu de rendre hommage à toutes ces nations. Leur culture passée. Tout à fait. Donc ça, on retrouve ça aussi bien dans les titres des morceaux, de l'album, le visuel aussi qui est assez parlant de ce côté-là. Et la petite précision pour le line-up, c'est que l'une des têtes pensantes de Xalpen, le bassiste, qui fait également quelques parties vocales, et déjà c'est un vétéran de la scène chilienne puisqu'il avait un groupe de death dans les années 90, donc le gars il fait ça depuis au moins 30 ans, et c'est surtout le bassiste live de Vatain, le fameux groupe suédois, depuis une bonne quinzaine d'années, donc il se partage entre le Chili et la Suède, donc ça redonne un petit peu plus d'importance encore à Xalpen, et d'ailleurs justement les lignes de basse sont vraiment bien audibles chez ce groupe, donc c'est aussi tout à fait appréciable. Donc l'album s'appelle The Curse of Kuan Yep, et le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Kolpiush, j'avoue que c'est un peu compliqué. Apparemment ça désigne un serpent mythologique à quatre têtes, donc c'est vraiment à fond dans la mythologie amérindienne. Xalpen, c'est parti, toujours plus de découvertes altermondialistes. 22h25 à la pendule de Radio Béton. On arrive dans la dernière ligne droite de l'émission de ce soir. Il nous reste trois petits groupes à s'écouter encore. Donc voilà, lors de la dernière doublette. Avec tout d'abord Torsofuck, l'excellent groupe de Brutal Death Grind, un peu slam, qui nous vient de Finlande. Le groupe s'est reformé en 2022, le groupe a eu son heure de gloire au début des années 2000. C'était absolument improbable de les voir se reformer, faire des sessions studio. Et encore plus que plus improbable de les voir se reformer et refaire du live. Vivement le Death Fist fin août. C'est toujours les deux mêmes Icos qui sont dans Torsofuck, 9 titres pour une trentaine de minutes. On a 50% de musique, 50% de sample, et c'est comme ça qu'on aime la musique de Torsofuck. Et en doublette avec Torsofuck, on retrouve Ulfud. Alors Ulfud, ça se prononce Ulwus, c'est de l'islandais. Ben, j'aime pas du coup, je vais rester sur Ulfud. Oui, mais ça veut dire animosité, hostilité. Donc, déjà, tu te sens que t'es le bienvenu hein, avec ce nouveau groupe islandais. Groupe de Black Death en activité depuis 2015, qui a sorti un premier EP en 2018 et là son premier album chez Dark Descent Records. Donc déjà grosse sécurité d'entrée pour ce groupe. Bien évidemment, on est sur la scène islandaise, donc on peut s'attendre à retrouver dedans des Icos qui sont déjà établis dans d'autres formations. C'est pas forcément les plus connus, donc on va pas les citer, mais c'est des gars qui sont déjà actifs dans la scène depuis un petit moment. Et alors musicalement, on est sur un black qui se veut plutôt black death mélodique, comme beaucoup de groupes qu'on a diffusé ces derniers temps d'influence suédoise. Donc black death, un petit peu à la nécrophobique, dissection, tout ça, avec quand même ce côté légèrement dissonant et spécifique à la scène islandaise. Donc ça nous donne une musique qui est à la fois violente, atmosphérique et un petit peu dissonante. Donc un contenu qui se veut soigné et varié pour Ulwus. C'est vrai que Ulfud, ça sonnerait presque mieux. Et alors Torsofuck, on va s'écouter le nommé Animal Lover. Oui, c'est mignon. Alors le sample a été coupé. Bon, de base il est pas très long, mais voilà, ça plus radiophonique. Et ensuite Ulwus. La bienséance. On va s'écouter Where Strange Lights Dance, extrait de l'album Of Existential Distortion. Thank you. Et voilà, en clôture de l'émission de ce soir, un petit deep rave de Murder, du très très bon Brutal Death qui nous vient d'Indonésie. Actif depuis une douzaine d'années, la formation sort là son troisième effort studio chez Comatose Music. Voilà, le duo qui constitue Deep Rave Murder est absolument pas là pour rigoler. 3 minutes, chacun des morceaux à peu près, un petit rouleau compresseur de groove et de violence, c'est féroce à souhait. Deep Rave Murder, on va s'écouter le titre. Relentless Brutality. Voilà, la messe est dite, extrait de l'album. Unethical Terrestrial Collapse. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dans le pit mercredi soir et rendez-vous dans la bousculade samedi soir aux Canadiens. C'est parti.